un petit peu le tour comme ça, voilà, des différents quartiers. On peut voir les villas de stars, mais on peut aussi voir ces anciennes villas qui sont toujours là et pour la plupart qui ont été restaurées. Alors ces villas, il y en a qu'on visite, donc on entre dans la... Alors certaines, mais la majorité, on les voit de l'extérieur. Et oui, parce qu'elles appartiennent aujourd'hui à d'autres personnes. Elles ont été rachetées, il y a des gens qui y habitent bien sûr, mais il y a un petit train qui vous promène pendant une heure et demie, Beverly Hills, Hollywood, et on peut voir comme ça, depuis ce petit train, toutes ces villas mythiques. Alors, Beverly Hills, Hollywood, ce sont des quartiers d'une très, très, très vaste mégalopole qu'on énorme. Appelle Los Angeles. Exactement. 1300 km², c'est complètement phénoménal. En Europe, ça nous paraît même impensable. Combien d'habitants? 5 millions d'habitants intramuros, même un peu je plus. Pense, je pense, même un peu plus, je pense, aujourd'hui. Donc, tout ça est... C'est énorme, c'est gigantesque. Et c'est pas une ville très facile, il faut bien le dire, parce qu'elle est très étendue, comme vous le dites, elle s'est étendue de façon horizontale. Hein. C'est l'inverse de New York. Là. C'est exactement ça. Donc, c'est une ville, je trouve, très compliquée. Nous, Européens, on a assez peu de repères. Il y a une chanson d'Ashford and Simpson qui s'appelle Nobody Walks in LA. Personne ne marche à Los Angeles. Et c'est tout très vrai. Tout le monde non, roule. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le moindre déplacement à Los Angeles, c'est en voiture et ça prend minimum 40-45 minutes. Ah, oui, alors, on est dans un autre style de vie. Ils prennent leur temps. Il fait beau quasiment 11 mois sur 12. Tout le monde est en jean, t-shirt. C'est mais vrai. Il a beaucoup plus, je crois, ces derniers temps. Hein. Malheureusement. Mais on est moins dans le stress. Voilà. C'est vrai, quand on vit à Paris, on court derrière le chrono toute la journée. À Los Angeles, c'est moins le cas. Les journées commencent tôt, ils terminent plus tôt et on sent qu'il y a une certaine joie de vivre, entre guillemets. Mm-hmm. Oui, il y a la présence de l'océan. En plus, Santa Monica, qui est aussi un quartier de Los Angeles, bord de mer, qui est très, très agréable. Alors, pour nous approcher d'Hollywood, d'abord, est-ce que les fameuses lettres là existent toujours? Bien sûr, elles sont monuments historiques, j'imagine. Alors, bien sûr, elles sont classées. Le panneau avec les lettres Hollywood existe toujours. Il y a encore quelques années, on pouvait presque les toucher et s'en approcher. Depuis quelques années maintenant, pour des raisons de sécurité, et puis parce qu'elles menaçaient de tomber, il y a un périmètre de sécurité. Donc, on peut aller, si vous allez à Los Angeles, je crois que vous pouvez grimper jusqu'à à peu près 500-600 mètres de ces fameuses lettres. Si vous voulez prendre des photos avec le panneau derrière, c'est encore possible. C'est encore faisable. Oui. Alors, on arrive dans Hollywood. Par où est-ce qu'on arrive? Il y a d'abord une chose que je voudrais préciser qui est très importante. On a du mal à s'en rendre compte, nous, Européens. Mais déjà, le voyage et le jet lag, ça n'a l'air de rien. Ah oui, c'est très loin. Mais quand on part de Paris, Los Angeles, c'est vraiment au bout du monde. C'est 12 heures d'avion et c'est 9 heures de décalage. C'est 9 heures en moins. Pour aller très souvent à New York, 6 heures, c'est gérable. 9 heures, c'est très compliqué. On est vraiment dans un autre cycle. Ça veut dire que là, actuellement, il est 6h07 du matin. Il est 6h07 du matin. Ouais, voilà. Et il faut en général quand même 2-3 jours, quand on vient de Paris, pour essayer de s'acclimater un tout petit peu, parce que très sincèrement, le jet lag est très très violent. Ce qui fait que les premiers jours à Hollywood, à Los Angeles, on a l'impression de flotter, d'être un petit peu ailleurs, puisqu'on est totalement jet lagué, on ne sait plus. Alors, moi, en général, comme je voyage pas mal, je me mets tout de suite à l'heure du pays dans lequel je suis, oui, et c'est ce qu'il faut faire, c'est oui, ce que je recommande. Sûr, oui. Mais pendant 2-3 jours, c'est lost in translation. Oui, on ne sait plus très très bien. On se retrouve à 5 heures du matin avec le décalage horaire dans des cafés sur, alors tout dépend où vous êtes, mais sur le Sunset Boulevard ou Hollywood Boulevard. Heureusement, aux États-Unis, tout est quasiment ouvert 7/7, 24/24. Donc voilà, c'est pas mal quand on vient d'Europe et qu'on a envie d'un café, d'un croissant à 5h du matin. Mais les premiers jours sont compliqués. Quand on arrive de l'aéroport, il y a une espèce d'autoroute qui mène... Il y a deux possibilités. La Cienega Boulevard, qui va de l'aéroport à Beverly Hills. Donc vous pouvez emprunter la Cienega Boulevard. Ou en effet, vous pouvez prendre le périphérique de Los Angeles. Comment sait-on qu'on est arrivé à Hollywood? Je dis ça parce que c'est pas une évidence quand on arrive. C'est drôle ce que vous me dites là, parce que moi je vais y retourner là et j'y ai pensé, parce que les derniers voyages, quand j'arrivais à Los Angeles et à l'aéroport, j'avais le portrait de Barack Obama. Là, je vais me fader le portrait de Donald Trump. Déjà, pardon, j'ai cette image, ça va être terrible, parce que dans les aéroports américains... Ça ne plaît pas forcément aux comédiens de cinéma. Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, Barack Obama, ça nous mettait, je sais pas, du baume au cœur, et là, il va falloir que je me fasse à l'idée. Pardon. On le voit assez vite parce que c'est vraiment la mecque du cinéma Hollywood, y compris à l'aéroport. Il y a des signes très très forts où on vous fait dire, on vous fait comprendre que vous êtes dans la capitale mondiale du cinéma. Et c'est comme ça tout le temps. Vous êtes dans un restaurant, les serveurs sont tous des apprentis comédiens. Vous allez vous acheter une paire de pompes dans un magasin, c'est un apprenti scénariste qui est là, qui a besoin de gagner sa vie. Tout le monde tourne d'une façon ou d'une autre autour du cinéma et rêve de cinéma. Tout le monde rêve de faire du cinéma ou aujourd'hui de la série télé. Ou de la télévision, bien sûr, qui est devenue très très populaire. Parce que la série est en train de phagocyter Hollywood, il faut le dire. En tout cas, Hollywood fait avec. Parce que, comme toujours, il y a une question d'argent et les Américains sont intelligents là-dessus, donc ils font avec. Alors, dans un instant, Château Marmont, Sunset Boulevard, enfin tout ça, bien sûr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un extrait d'Over the Rainbow, c'était Judy Garland sur Europe 1. Magicien d'Oz, bien sûr. C'était un personnage extraordinaire, Judy Garland. On n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même. Judy Garland, c'est un personnage extraordinaire. Elle avait été à l'école de la MGM, où elle, tout en suivant ses cours d'adolescente, elle étudiait la danse, le chant. Enfin, elle était absolument extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qui a été vraiment brisé par Hollywood. C'est-à-dire que on la réveillait le matin avec des excitants, on calmait ses angoisses avec des calmants, le soir on la faisait dormir avec des somnifères, et donc ça, elle a eu une vie vraiment terrible. Quand elle prenait un peu de poids, on lui donnait des médicaments pour perdre du poids. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a, évidemment, elle a sombré dans l'alcoolisme. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu une vie épouvantable en grande partie à cause du rythme infernal d'Hollywood. Nos auditeurs ont reconnu la voix d'Antoine Cyr et non celle de Laurent Veil, là j'aurais dû préciser. Justement, une chose qui m'étonne, Antoine Cyr, c'est que lorsqu'on est à Los Angeles, à Hollywood en l'occurrence, il n'y a pas de fondation du cinéma, par exemple. On imagine, si Hollywood se trouvait en Europe, en soi d'ailleurs c'est peut-être un oxymore, mais on aurait une immense cinémathèque, des centres d'interprétation, un musée, une fondation, des instituts du cinéma, etc. Qu'est-ce qu'il y a à Hollywood ? Oui, mais ces musées, en général, seraient pris en charge par la puissance publique qui dirait on veut assurer le patrimoine. Et donc, en Amérique, c'est un peu différent. On cherche d'abord à faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de musée, mais par contre, il y a des parcs d'attractions. C'est-à-dire que quand vous vous dites, je vais visiter Universal Studios ou Paramount, etc., en réalité, on vous met dans un espèce de petit train qui ressemble comme un frère au train que vous avez à Disneyland Paris. Et simplement, au lieu de se balader au milieu des personnages de Disney, ils se baladent au milieu du village du Far West. Vous avez, en fait, il y a ce côté. C'est un paradoxe, ces grands studios là, Universal, Paramount, etc., qui reçoivent du public, qui se transforment peu à peu en des espèces de parcs d'attractions, et les scènes des films sont reconstituées. Mais évidemment, on n'est pas sur le décor qui a servi de tournage pour le tournage du film. On reconstitue des décors exprès pour la circonstance. Alors, d'abord, je voudrais dire deux choses. D'abord, il y a un endroit qui est San Francisco, où il y a beaucoup plus cette nostalgie, notamment à travers la Film Noir Foundation. Mm-hmm. Et pour une raison... Film Noir Foundation, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, là, on parle du film noir du film policier des années 40-50. Et il y a quand même un rôle des décors naturels. Si vous regardez un film comme La La Land, alors dans La La Land, il y a un hommage aux comédies musicales. Mais il y a aussi un hommage à un lieu qui est un lieu de mémoire. Vous avez le Griffith Observatory, qui est l'endroit où se déroule pratiquement entièrement le film La Fureur de Vivre. Et c'est quand même pas un hasard si c'est cet endroit qui a été choisi pour que se déroulent des scènes importantes de La La Land. Donc il y a quand même cette idée. Mais il n'y a pas de puissance publique qui prend en charge une installation de musée. Quoi. Et on va rappeler que le metteur en scène de La La Land, Damien Chazelle, est franco-américain. On est dans la thématique du jour. Non, mais comme on parle de culture et que chez nous, français, c'est très important, le fait qu'il ait cette double nationalité, et Antoine le rappelle, c'est vrai que on sent qu'il a envie de rendre hommage à ce cinéma-là et de le faire d'un point de vue culturel et pas que financier. Nous avons une approche plus rétrospective en Europe, on peut le dire, et en France tout particulièrement, ce qui n'est pas le cas du tout aux États-Unis. Alors, quand on va visiter un grand studio aux États-Unis, combien y en a-t-il ? Il y en a plusieurs. On va dire 5-6 principaux. Vous pouvez les visiter. Là encore, Antoine a raison. On est dans un petit train et on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer. Après, il y a le parc d'attractions Universal, Warner. Là, il y a des attractions. Steven Spielberg, par exemple, Universal, il y a la quasi-totalité de ses films transformés en attractions. Ça, c'est autre chose. Mais il y a encore des studios en état de marche. Il m'est arrivé, moi, de faire des interviews encore dans ces studios et vous voyez le petit train de touristes qui passe pendant qu'il y a des séries ou des films qui se tournent. Donc, vous pouvez de loin assister à des tournages. Ça existe encore. Ils ont la même problématique que nous. Comme c'est de plus en plus cher, ils tournent de plus en plus au Canada ou dans le sud des États-Unis. En fait, on est à l'intérieur de ces grands studios, dont certains, je pense à Universal, après tout, on est chez Monsieur Hitchcock quand même. Donc là, c'est impressionnant. Mais les films eux-mêmes ne sont plus tournés là, en fait. C'est ce qu'il faut dire. De moins en moins, depuis des années maintenant, il y en a encore certains qui se tournent. Il y a des séries qui se tournent. Et puis, je peux vous dire que ça tourne à la chaîne, c'est le cas de le dire. Mais de moins en moins, parce qu'une fois encore, ça coûte très très cher. Donc, ils délocalisent. Ils vont beaucoup au Canada. Ils tournent beaucoup dans des studios qui sont souvent aménagés aujourd'hui en Louisiane ou dans des lieux où il y a des crédits d'impôts, où ça leur coûte moins cher et en main d'œuvre et en en frais de fonctionnement. Mais c'est vrai que ces studios qui étaient avec tous ces plateaux occupés presque à 90% il y a quelques années, c'est moins le cas aujourd'hui. Et on a aussi une chose qui n'existe pas du tout en Europe, ce sont les sitcoms qui sont tournées, elles, en public. En public. C'est-à-dire que les comédiens apprennent leur texte comme s'ils étaient exactement au théâtre et ils jouent la sitcom. Quand on entend les rires, ce sont pas sous, la plupart non, du temps, vrais. En tout cas, ce sont des vrais rires. Ils parce qu'il y a un public qui est dans la salle et qui assiste à la... Et ça se tourne souvent justement dans ces studios, parce que tous les gros studios ont leur sitcom aujourd'hui. Et c'est vrai que ça se tourne en public. Alors, ça fait partie du spectacle. Est-ce que la ville, le quartier d'Hollywood est aujourd'hui encore un quartier de spectacle? Est-ce qu'il y a des grands cinémas particuliers? Il y a tout pour toutes les premières, par exemple. Oui, il y a toujours les avant-premières, le red carpet, qui se font quasiment toujours dans... Le red carpet, c'est le tapis rouge. Tapis rouge, pardon. Qui se font toujours dans les mêmes cinémas. Très franchement, non, pas plus que ça. Alors, Hollywood Boulevard, il y a évidemment les étoiles. Vous pouvez vous amuser quand vous arrivez à Los Angeles et aller sur le fameux Hollywood Boulevard et photographier avec les étoiles de vos stars préférées. Mais une fois encore, la culture, c'est pas vraiment, je dirais, leur principal attrait là-bas. Enfin, ils s'en foutent un peu, quoi, pour être honnête. Oui. Ce qu'ils cherchent d'abord, c'est faire du business. Il y a encore quelques lieux mythiques, comme le château Marmont, par exemple, qui est un peu resté dans son jus. Il faut expliquer ce que c'est. C'est un grand hôtel, ça. C'est un hôtel qui est sur Sunset Boulevard, je ne vais pas dire de bêtises, qui est reconnu mondialement parce que c'est là où John Belushi, l'un des deux Blues Brothers, a été trouvé mort d'une overdose dans un bungalow. C'était au château Marmont il y a quelques années déjà. Et voilà, donc ça, c'est un des hôtels un peu mythiques où il y a encore aujourd'hui pas mal de comédiens. Si vous allez là-bas, vous pouvez tomber sur des comédiens en train de prendre un verre. Ça existe. Nous allons nous promener justement sur le boulevard des Étoiles dans un instant. Nous allons parcourir le Walk of Fame. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h30, nous nous baladons en Californie, du côté d'Hollywood, avec vous Franck et avec le journaliste cinéma Canal+, Laurent Veil. Je sais que Nathalie André va me dire que tu n'as pas parlé des restaurants et des bonnes adresses. Que j'embrasse Nathalie, pardon. Mais oui, mais vous avez raison, moi aussi. Et quels sont les restaurants qu'il faut fréquenter à... Alors, il y en a plusieurs. Il y a évidemment une importante communauté japonaise. Et il y a de très très bons restaurants japonais. Alors, je ne vais peut-être pas faire la publicité de certains restaurants, mais allez-y si vous aimez pas que des sushis, hein, c'est vraiment de la restauration japonaise, de la vraie. Donc si vous allez à Los Angeles, il n'y a pas de restaurant français, le type qui ne pense non, mais bien sûr. Alors ça, c'était donc d'abord les restaurants japonais, et après donc deuxième partie de ma réponse, il y a évidemment beaucoup de restaurants français. Il y a de très très bons restaurants. Moi j'ai mes habitudes dans un ou deux restaurants français. J'aime y aller parce que j'y retrouve la communauté française. En plus, c'est tenu par des gens du sud, donc en plus il y a le petit accent du sud, donc à Los Angeles c'est toujours très très agréable et on y mange très très bien. Mais oui, il y a de très bons restaurants. La cuisine asiatique est particulièrement présente. Il ne faut pas oublier qu'on est au bord du Pacifique et que ça fait partie, et c'est d'ailleurs une question que nous pose Michael via Facebook, qui nous demande si nous allons parler du rachat des studios par la Chine. C'est vrai que c'est le gros sujet. C'est le business. C'est vrai que les Chinois sont en train de tout racheter. Je crois que déjà la dette américaine, je crois que c'est les Chinois qui l'ont. Donc les studios américains, les Chinois sont aussi en train de s'en occuper et d'investir. Ces studios, ces majors ont besoin d'argent et ce sont les Chinois qui, en effet, sont en train de peu à peu de grignoter et de s'accaparer le marché américain, en tout cas les studios américains. Vous nous parliez du beau temps tout à l'heure et de l'atmosphère qui est très détendue en fait. Il y a un rythme qui est paradoxalement assez lent, oui, etc. Et l'on peut croiser des vedettes, il faut le dire. J'en croise quasiment à chaque voyage. Alors ici, ça peut paraître surnaturel, mais... Je dis, on croise beaucoup de stars à Paris aussi. Oui, de stars, mais là-bas, elles sont vraiment détendues, tranquilles. Il n'y a aucune animosité. Les gens, alors oui, il y a toujours des paparazzi, ils sont partout, hein, mais le Kidam va rarement les importuner. Donc mon dernier voyage, je voyais Alec Baldwin, je crois, avec un de ses enfants, tranquille, qui faisait ses courses dans un supermarché. Je suis tombé sur Michael Caine il n'y a pas longtemps non plus. Enfin, vous les croisez, ils sont là, ils font leurs courses, tout le monde se salue très gentiment, et oui, vous pouvez croiser beaucoup d'acteurs ou d'actrices. Vous en parlez comme on parle des éléphants dans les safaris photos. Si vous les dérangez pas, ils sont pas dangereux. Non, mais c'est ça, ils ne chargent pas. Alors, venons-en à ce fameux Walk of Fame. C'est quand même, tout ça fait partie de la mythologie, hein. C'est-à-dire que tout est mis en scène, bien entendu, oui, notamment bien ces fameuses étoiles qui représentent, avec ces empreintes, oui, etc., qui représentent les plus grandes stars, comme leur nom l'indique. Oui. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas inoubliable. Non, c'est un boulevard avec des deux côtés des étoiles. Il y a énormément de boutiques souvenirs, t-shirts, mugs et autres, bien évidemment. Il y a, si vous voulez prendre des photos, il y a pas mal d'acteurs en devenir qui sont déguisés ou en Batman ou en Spider-Man. On a vu ces images très souvent à la télé avec lesquelles vous pouvez prendre des photos. Mais une fois encore, d'un point de vue culturel, surtout quand on a la chance d'habiter en France, et ce qui est mon cas à Paris, c'est pas la Conciergerie, c'est pas le Louvre, c'est pas le Palais Royal. Non, ça, évidemment. Voilà. Mais c'est Hollywood Boulevard. Mais c'est Hollywood. Et c'est sur ce Hollywood Boulevard que se trouvent les fameux cinémas qu'on appelle des théâtres là-bas d'ailleurs. Theater, exactement. Un théâtre en anglais, c'est le cinéma. Il y a le Kodak Theater, le China Theater, le Dolby Theater. Ça, c'est une expérience à faire, moi, je trouve, d'aller au cinéma aux États-Unis, parce que là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec une projection en France. Les gens se lèvent, les gens gueulent, les gens bouffent du pop-corn, ils vont aux toilettes, ils reviennent, ils sortent appelés au portable, ou souvent ils parlent au portable dans la salle. Donc, évitez les films d'auteur. En même temps, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis parce qu'on aurait du mal à les suivre. Mais vous allez voir un Triple X avec Vin Diesel aux États-Unis. Ça vaut le coup parce que tout le monde participe. Il y a un nom que nous n'avons pas encore évoqué avec Antoine Cyr, c'est Gloria Swanson. Tout près d'Hollywood Boulevard, vous avez le boulevard du crépuscule, Sunset Boulevard. Hein. Exactement, qui est toujours là, lui est bien là. Alors là encore, c'est un lieu mythique. Ça sonne d'ailleurs, Sunset Boulevard. Vous avez raison de le préciser. Mais une fois encore, quand vous êtes sur ce fameux Sunset Boulevard, il y a encore quelques maisons, il y a encore quelques petites choses à voir, mais pas plus que ça, dire qu'ils n'ont pas du tout mis en avant tout ça. Nous, on l'aurait fait, je pense, ça aurait été notre patrimoine et on aurait tout fait pour mettre tout ça en avant. Là-bas, pas du tout. Antoine Cyr, un grand film, Sunset Boulevard. Pour le coup, on est au cœur de la mythologie de la grande comédienne d'Hollywood. Là. Alors, on est au cœur de cette mythologie et on est au cœur de la rencontre entre cette période un peu exubérante des années 50 pendant laquelle est fait le film et puis ce qu'il reste de l'époque du cinéma muet. Puisque ce qui est extraordinaire dans Sunset Boulevard, c'est que les stars du cinéma muet, dont Gloria Swanson faisait partie, jouent en quelque sorte leur propre rôle. Mais quelques années après. Là, pour le coup, c'est un vrai film de patrimoine, c'est un vrai film nostalgique, mais c'est un film de Billy Wilder qui était un Européen. Eh oui, évidemment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais Hollywood a été quasiment créé que par des Européens qui fuyaient les pogroms. Oui. Tous les studios ont été créés par la quasi-communauté juive qui fuyait les pogroms et la montée du nazisme. Billy Wilder, Otto Preminger, Fritz Lang, on ne va pas tous les citer, mais tous ces cinéastes venaient des producteurs. Il y a un livre sur ce sujet-là qui s'appelle Le royaume de leurs rêves et qui raconte comment des juifs qui fuyaient les pogroms ont été en fait les premiers producteurs hollywoodiens. Ils ont acheté les salles aussi. Et ont acheté les salles, exactement. Ouais. Tout à fait. Il y a un autre livre qui s'appelle Ces juifs qui ont créé Hollywood. Je ne sais plus l'auteur, mais qui est aussi un livre formidable. Juste un petit mot et nous sortons là d'Hollywood pour deux quartiers archi célèbres, mondialement célèbres, rendus célèbres notamment par les émissions de télé, par les séries, etc. C'est Beverly Hills, oui, évidemment. Sûr. Donc ça, c'est les quartiers chics. C'est les quartiers chics. Vous pouvez toujours vous balader sur Rodeo Drive. Vous allez retrouver à peu près les mêmes boutiques qu'ici, Avenue Montaigne ou la 5e Avenue à New York. Mais au bout de Rodeo Drive, vous avez le Wilshire Hotel. C'est là où s'est tourné le Pretty Woman. Donc, et puis quand vous êtes de toute façon dans ces quartiers-là, chaque rue, chaque angle de rue a été utilisé pour des films ou des séries dont vous avez vos repères. Il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est pas passionnant, mais c'est vrai que le quartier est très chic, très, très joli. Je tiens à préciser que Beverly Hills est jumelé avec la ville de Cannes. Voilà, c'est pas pour rien. Donc voilà. Ce sont deux cousins, deux cousines, deux frères, deux sœurs. Une sorte d'affinité élective, d'une certaine manière. Et puis, vous parliez de cette plage extraordinaire, c'est Santa Monica. Là, alors. Moi, j'adore parce que d'abord, je Venice Beach. Oui, il y a Venice Beach, il y a Malibu dans la continuité. C'est très sympa, c'est bord de mer. Moi, je dors peu, je me lève très tôt quand je suis à Los Angeles. Je mets ma paire de pompes et je vais courir pendant une heure et demie, bord de mer. Et ça, c'est magnifique. Et puis, à partir de 9h30, 10h, il y a toutes les petits magasins qui s'ouvrent. On se croirait au marché aux puces, donc c'est très sympa. Il y a des gens qui font de l'animation aussi, il y a du sport, il y a des musiciens qui jouent de la musique. Donc ça vaut le coup sur Venice Beach et Santa Monica. Merci beaucoup Laurent Veil. Bon voyage et j'espère que la cérémonie des Oscars se tiendra ses promesses. Allez, merci Antoine Cyr. Vous nous avez l'un et l'autre fait rêver cet après-midi.